Personne ne parle sous les étoiles. Personne ne parle sous les étoiles. Femme, je me vois qu'avec toi sous les étoiles. Frérot, je pense à toi sous les étoiles. Je suis bien, j'oublie les soucis sous les étoiles. Chaque à la scène, pourquoi tant d'jalousie? Que personne ne me parle, je suis sous les étoiles. Que personne ne me parle, je suis sous les étoiles. Sous les étoiles, j'ai pensé, j'ai fumé. J'ai vu des gens bien pour rien se faire fumer. Sous les étoiles, femme, je suis saoulé de toi. Mais pour rentrer chez moi, les petits me ramènent, je fais un croix. J'en la nuit comme un fou, je fais des courses, le jarret. Je fume les rues de ma ville pour mes frères en maison d'arrêt. Sous les étoiles, je parle à Dieu pendant que toi, tu crois que je parle seul. Sous les étoiles, je prends la route, je fais de Marseille Sarcelles. Je vis ma vie, je me vois toujours pas briller. Je trouve toujours pas le sommeil, on m'a encore pris mon briquet. Sous les étoiles, je vois ma teki, je me fais contrôler par les képis. Sous les étoiles, au bord de la mer, le sable, le bruit des vagues. Les souvenirs sont vagues, Julie restera le même avec sa couper ses vagues. Sous les étoiles, femme, je me vois qu'avec toi. Sous les étoiles, frérot, je pense à toi. Sous les étoiles, je suis bien, j'oublie les soucis. Sous les étoiles, chacun la sienne, pourquoi tant d'jalousie? Que personne ne me parle, étoiles, que personne me parle, je suis sous les étoiles. J'ai le cœur plein, vis mes yeux. Je suis connu même, mesdames et messieurs. La lune m'éclaire la route. S'il voit des portes, c'est que c'est toi la goutte. Des fois, je sors la moto, je m'entraîne à lever d'une main. Toujours un œil sur les faux poteaux, l'autre sur mes ennemis de demain. Sous les étoiles, Ferrari, toi ouvert. Des voiles, gamberge, combien j'ai souffert. Je fais des tubes, je compte même pas mes tubes. Jaloux, je vis ma vie, avec ou sans autotune. Ils sont pliés, parce que je suis qui. J'ai failli vriller, parce qu'il y avait papa, pas pour me crier. Je suis sous les étoiles, posé par la corniche. Je veux pas rentrer dans ce monde de faux cul et de nouveau riche. Sous les étoiles, femme, je me vois qu'avec toi. Sous les étoiles, frérot, je pense à toi. Sous les étoiles, je suis bien, j'oublie les soucis. Sous les étoiles, chacun la sienne, pourquoi tant d'jalousie? Sous les étoiles, femme, je me vois qu'avec toi. Sous les étoiles, frérot, je pense à toi. Sous les étoiles, je suis bien, j'oublie les soucis. Sous les étoiles, chacun la sienne, pourquoi tant d'jalousie? Que personne ne me parle, étoiles, que personne me parle, je suis sous les étoiles. Que personne me parle, je suis sous les étoiles. Que personne me parle, je suis sous les étoiles.